Le paradis ou l'enfer. Peu m'importe, tu m'en manques, y'a un affaire. L'enfer ou le paradis. Peu m'importe, tu m'en manques, c'est pas fini. Le paradis ou l'enfer. Peu m'importe, tu m'en manques, y'a un affaire. L'enfer ou le paradis. Peu m'importe, tu le sais, je t'ai déjà dit. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Ha ha ha. Ha ha ha. Tant que la fête continue, tant que les platines sont bien tenues. Tant que la fête continue, tant que les platines sont bien tenues. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Le paradis ou l'enfer. L'enfer ou le paradis. Yeah.